tous. Quand nous fûmes jeunes, quand nous fûmes au collège, nous eûmes les loisirs de faire la déclamation des poésies. Et ce soir, nous allons vous présenter la poésie chantée au rythme de la rumba africaine. La rumba made in RDC, République démocratique du Congo, et le rumba kasi. Mesdames et messieurs, j'ai le bonheur d'introduire un monument vivant de la musique africaine, l'une des voix les plus limpides de la chanson congolaise, la voix la plus fluide de la rumba. Ce grand monsieur, qui est l'ambassadeur, le porte-étendard, c'est lui qui révalorise et qui tient le drapeau pour hisser la rumba africaine dans le firmament. On applaudit très fort! Voici pour vous celui qu'on appelle Mwandito Danos Kanta Niboma Cantador. On applaudit très fort. Chiquita, chiquita.